Bienvenue à tous donc pour cette célébration, si j'ose dire, des 10 ans du laboratoire Sophia Paul. Donc, célébration qui va se dérouler sur un jour et demi, donc cet après-midi plus la journée entière de demain. Je vais simplement vous rappeler brièvement la manière dont cela va se passer. Nous avons donc cet après-midi deux sessions qui, sans être totalement informelles, sont censées en tout cas être, on va dire, décontractées, c'est-à-dire une première d'environ une heure et demie qui va commencer maintenant jusqu'en gros 15h30, 15h40 selon vos questions, vos remarques et le côté bizarre des différents intervenants. Première session qui sera en fait consacrée à une sorte de retour sur le passé, la création, la genèse du Sophia Paul et ce que ce laboratoire est devenu, et en particulier avec donc les interventions de ces deux fondateurs que sont donc Alain Caillé et Christian Lazzeri, qui vont nous raconter d'une part en partie comment s'est accomplie la création de ce laboratoire pluridisciplinaire fondé dans un premier temps autour de la question de la théorie de la reconnaissance, avant que Christian Lazzeri intervienne sur le côté, on va dire, plus directement épistémologique des rapports entre philosophie et sciences sociales. C'est tout lui. Puis nous verrons ensuite s'il y a des questions, des remarques, des choses qui viennent s'ajouter à tout cela, avant une petite pause café bien méritée, et une deuxième partie d'après-midi qui consistera en une lecture croisée, réciproque, respective et respectueuse, comme on le disait, entre Alain Caillé et Robert Damien sur leurs derniers ouvrages respectifs, comme une sorte de à la fois d'introduction à la journée de demain, qui sera une journée de lecture croisée, mais aussi comme une sorte de réponse aux présentations qui auront été faites sur à la fois la genèse du laboratoire et la mise en bouche épistémologique que nous proposera Christian. Et une fois que nous en finirons, nous aurons un cocktail pour célébrer un petit peu tout ça et finir l'après-midi de la manière la plus conviviale possible, conviviale étant bien évidemment un clin d'œil pas discret du tout à Alain Caillé. Par ailleurs, demain donc, nous aurons une journée entière qui sera une journée de lecture croisée, donc avec des doctorants sociologues lisant des philosophes, des doctorants philosophes lisant des sociologues, etc., etc., et qui nous occupera toute la journée pour essayer de saisir un peu qu'est-ce que c'est que cette pluridisciplinarité, cette bidisciplinarité en acte que le Sophia Paul essaye maintenant en partie et pas seul bien évidemment d'incarner depuis maintenant 10 ans. Voilà, je pense que j'en ai dit beaucoup. 10 ans, c'est pas énorme, mais finalement c'est un début, et on peut espérer qu'il y aura encore plein d'autres anniversaires comme celui-ci dans les années à venir. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Alain pour nous raconter un peu ce que fut l'accouchement de ce laboratoire. En t'écoutant, j'avais en tête, putain, 10 ans déjà. Mais d'autres disaient 10 ans, ça suffit, mais je ne crois pas que ça soit ce que vous pensez. Ben, écoutez, merci beaucoup aux deux Stéphane, notamment, d'avoir organisé cette petite cérémonie, ce 10e anniversaire. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir. D'autant plus plaisir que, manifestement, le Sophia Paul est une grande réussite. Je le dis d'autant plus volontiers que j'y suis un petit peu pour quelque chose à l'origine, mais pas pour grand-chose après. Donc, j'y ai fait relativement peu de choses. Donc, tout le mérite en revient notamment à Christian ou de Stéphane, puis à tous ceux qui ont... Et notamment à tous les doctorants qui ont fait un travail d'animation de ce labo absolument extraordinaire. Tu disais un labo bidisciplinaire. Je tiquais un tout petit peu pour deux raisons. D'abord parce que dans Sophia Paul, il y a sociologie, il y a philosophie, mais il y a aussi anthropologie. Même s'il a été assez difficile de la rattacher, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et plus généralement, moi je vois le Sophia Paul, et je pense Christian également très largement, comme un laboratoire de sciences sociales générales, en incluant dans la science sociale la philosophie morale et politique. Donc c'est plus que la philosophie et la sociologie, c'est un peu toutes les sciences sociales. C'est en tout cas moi comme ça que je le vois, je pense que c'est comme ça que ça devrait se développer. J'ai l'impression, vu la quantité d'activités que vous organisez, dont je me rends compte grâce au mail de Delphine très très très régulier, j'ai l'impression que c'est devenu le laboratoire le plus important de la science sociale en France, hein, très très fondamentalement. En tout cas, un des seuls lieux où l'on peut, je ne parle pas des locaux ou du budget, hein, je parle des activités. Bon, des seuls lieux où on peut véritablement discuter entre toutes les, au carrefour des sciences sociales, ce qui est pour moi l'objectif principal. En tout cas, c'est comme ça que je vois la sociologie. Je vais revenir un tout petit peu. Alors, quelques mots très, très brefs pour commencer. Le laboratoire est né, Christian me reprendra si je me trompe, je vais sûrement me tromper sur pas mal de points particuliers, de la décision de mettre ensemble, il y a 10 ans, heureusement, comme ça je n'ai pas à me rappeler les dates, je sais que c'est il y a 10 ans, la filière de sociologie politique du département de sociologie et le laboratoire de philosophie contemporaine de Nanterre, qui était un petit peu plus vaste à l'époque, puisqu'il y avait également Michel Sénélard, l'ENS Lyon. Bien. Alors, un petit mot de présentation. À l'époque, d'ailleurs, jusqu'à il y a très peu de temps, le département de sociologie était divisé en 5 filières. 5 filières qui avaient chacune sa cohérence propre, un cursus particulier. Donc il y avait une filière de sociologie du travail et des organisations, une filière de socio-anthropologie, une filière, que je me rappelle un petit peu, une filière de sociologie urbaine, une filière de démographie et une filière de sociologie politique. Alors, je suis désolé, mais je vais parler un petit peu de moi, parce que là, mon histoire est un peu indissociable de celle de la création du Sofiapol, si je veux expliquer comment ça s'est créé, comment ça a fonctionné. Donc, je vais d'abord expliquer comment je me suis retrouvé là, à Nanterre, et de manière un petit peu particulière, et plus particulièrement, pourquoi est-ce que je me suis retrouvé dans cette filière de sociologie politique, à laquelle je n'étais pas spécialement destiné a priori. Alors, pour la petite histoire, en 1993, si je me rappelle bien, j'étais professeur de sociologie à l'université de Caen, je dirigeais le département et la commission de spécialistes, quoique habitant Paris. Je commençais à être un petit peu là, ça faisait comme 27 ans que j'enseignais là-bas. 27 ans c'est long, 10 ans c'est long, mais 27 ans c'est vraiment très long. Et il était comme temps que je commence à bouger un petit peu, et je vois au journal officiel, avant de partir en vacances de Pâques, un poste à l'intitulé étrange, quelque chose comme ethnologie comparée, sociologie générale, quelque chose comme ça. Bon, un poste très, très dur, un intitulé très dur qu'à émis, complètement obsolète. Et donc je me dis, ça doit être... ça c'est pour moi. Si c'est obsolète, c'est pour moi. Et donc, il y avait juste à remplir une feuille de papier avant de partir. Donc je remplis ma feuille de papier. Et au retour, quand même, j'appelle un de mes amis très versé dans le SNESUP et autres machineries syndicales pour lui demander à quoi correspond ce poste. Il me dit, oh là là, mais tu te rends pas compte. C'est le poste d'Éric de Dampierre qui a créé le laboratoire d'ethnologie de Nanterre. Plus gros laboratoire d'ethnologie de France, une énorme machine. Donc, alors j'appelle le président de la commission, Olivier Ehrenschmidt, pour lui demander de quoi il retourne. Il m'a dit oui, c'est un poste d'ethnologie. Mais je dis, je ne comprends pas, je l'ai vu indiqué comme un poste de sociologie. Il me dit oui, non, enfin c'est ouvert à tout le monde, si vous avez fait du terrain, c'est bon. Mais je lui dis non, de toute façon je suis même incapable d'arriver à Nanterre, je me perds à chaque fois, donc le terrain c'est pas mon truc. Et bon, il me dit allez voir Éric de Dampierre, c'est son poste, voilà. Et je vais voir Dampierre, avec qui je sympathise, et il me fait faire, pendant un mois, il faut dire que j'étais en année quasi sabbatique, sans ça je ne l'aurais pas fait, il me fait faire à l'époque ce qu'on appelait les visites académiques, comme pour l'Assemblée nationale, pour l'Académie française. Bien, je vais voir un certain nombre de gens, tous les membres de la commission d'ethnologie, tout en leur disant, écoutez, ça n'a pas de sens, je ne suis pas ethnologue, pourquoi me laisser sur ce poste? Et petit à petit, Dampierre me fait croire, avec beaucoup d'encouragement, qu'effectivement, ce poste m'attend. Et donc, au bout de 15 jours, je me dis, après tout, pourquoi pas, moi, ça, l'ethnologie, ça m'intéresse, j'en ai quand même lu pas mal, et au fond, organiser un débat théorique entre africanistes, océanistes, etc., ça peut être assez passionnant. Donc, je commence à lire pas mal de bouquins, notamment ceux, évidemment, des membres de la commission, ça me paraissait prudent. Et, on sympathise un petit peu. La veille, les 2 jours avant l'élection, un ami qui dirigeait le labo fait voter le laboratoire en disant est-ce que vous acceptez qu'il y ait, le laboratoire dit oui, je me dis tiens bon, c'est quasiment fait. Et le soir de l'élection, 6h du soir, 7h du soir, 10h du soir, pas de nouvelles, donc j'appelle le commission, je lui dis ah ben non, on a pris quelqu'un d'autre. qui était de toute évidence. Vous comprenez pourquoi je vous raconte ça, c'est pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionnent les plus jeunes de l'université. Bien. Tu les effraies d'entrée de jeu. Il faut voir comment ça marche, oui, mais il y a aussi des bons côtés. Il y a aussi des bons côtés. Voilà. Et donc, ils ont élu finalement la personne qui était le successeur évident de Dampierre. Je ne sais pas ce que j'en pense par ailleurs, mais enfin bon, c'est autre chose. Et simplement, Dampierre, manifestement, a voulu terroriser son successeur pendant un mois en brandissant une candidature alternative. Bien. L'année suivante, à ma grande surprise, rebelote. Je vois le même intitulé de poste réapparaître au journal officiel, mais dans l'autre section, en ethnologie, ce coup-ci. Et je finis par comprendre qu'au moment de la création du laboratoire d'ethnologie de Nanterre, ils avaient fait appel à Éric de Dampierre, un des traducteurs de Max Weber, Économie et Société, qui voulait absolument rester sociologue. Du coup, un sociologue venant chez les ethnologues, vieille pratique ethnologique, les otages croisés, les ethnologues avaient délégué un des leurs chez les sociologues. Et c'est celui-là qui, l'année d'après, arrivait à l'âge de la retraite. Donc son poste était à nouveau en balance. Donc je représente ma candidature, j'appelle le président de la commission de sociologie, je vous informe que je suis candidat, mais ne comptez pas sur moi pour faire des visites académiques, bon, j'ai déjà donné. 15 jours avant l'élection, le président de la commission me rappelle pour dire, écoutez, ce poste n'est plus ethnologie comparative et sociologie, je ne sais pas quoi, il est devenu sociologie politique. Est-ce que vous êtes toujours candidat ? Donc je lui dis, écoutez, moi j'étais totalement incompétent sur le premier profil, je le suis toujours autant sur le deuxième, donc ça ne me pose absolument aucun problème. Et toujours petite histoire, Stéphane, tu m'as dit de raconter une petite histoire quand même. Hein. Bon, d'accord, tu l'as trouvé. Au moment de la réunion de la commission spécialiste, c'était une commission mixte, puisqu'il y avait des otages croisés dans tous les sens. 4 ethnologues, 4 sociologues. Les 4 ethnologues avec lesquels j'avais finalement sympathisé l'année d'avant votent pour moi comme un seul homme, même s'il y avait 2 femmes. Et parmi les sociologues, 3 votent pour un sociologue, mon ami Shmuel Trigano, qui était le candidat, qui attendait ce poste depuis des années. Et le 4e vote pour moi. Donc je suis passé comme ça, sur un poste de sociologie politique. Et donc j'arrive dans une filière et dans un laboratoire qui était dirigé à l'époque par Marc Lazare, qui depuis est parti à Sciences Po. Marc Lazare qui était, comme Shmuel Trigano, l'héritier de Annick Riegel. Alors Annick Riegel, ancienne communiste, historienne, sociologue du communisme, devenue chroniqueuse du Figaro, pas vraiment restée à gauche, et qui avait comme autre héritier Stéphane Courtois, qui allait après publier le livre noir du communisme et devenir membre des fondations de l'UMP. Bien. Donc je me retrouve l'héritier dans le bureau de Annick Riegel, par le plus grand des hasards. Et je m'aperçois d'ailleurs que celui des 4 sociologues qui avaient voté pour moi, en fait, espérait qu'en passant en sociologie politique, je l'aiderais à monter une filière de sociologie économique. Mais j'arrive dans ce laboratoire de sociologie politique, et qui s'appelait Laboratoire d'histoire et de sociologie du communisme, ancien laboratoire d'Annick Riegel. Bon, je n'ai rien contre l'histoire du communisme, ou la sociologie du communisme, évidemment, ça m'allait très modérément. Donc je demande que le laboratoire soit rebaptisé, et ce qui est accepté, il devient le GEOD, groupe d'études et d'observation de la démocratie. Un mot simplement, élu sur un poste de sociologie politique, j'ai tenu à rester fidèle à l'intitulé sur lequel j'avais été élu, sachant que moi j'ai toujours entendu sociologie politique comme sociologie du politique. Non pas ce que font les gens de sciences politiques, les juristes, ou les gens de Sciences Po, du CEVIPOL, très légitime par ailleurs, sociologie empirique des élections, des fonctionnements des partis, etc., mais fondamentalement comme une sociologie générale. Bon, puis après, c'est devenu, notamment avec l'arrivée de Stéphane, une sociologie historique du politique. Donc voilà pour un premier aspect. Alors ce GEOD a marché vaille que vaille pendant quelques années, avec des hauts et des bas. On a même failli redevenir un laboratoire du CNRS. Le laboratoire avait été un laboratoire du CNRS du temps d'Annick Riegel, qui était très bien placé, qui était quelqu'un qui faisait l'appui le beau temps dans les commissions de sociologie à l'époque. Et puis il avait été désaffilié. Le CNRS a proposé de nous réaffilier, nous sommes devenus ce qu'on appelait à l'époque FRE. Nous étions l'AFRE, je ne sais pas combien, Fédération de formation en recherche, évolutive. Voilà. Ouais. Formation de recherche évolutive. Et on nous avait dit, vous redeviendrez, ce qui apparaissait comme un titre de gloire, un laboratoire du CNRS, si vous acceptez de prendre dans vos rangs deux personnes, je pense que le fils de Maurice Thorez, d'une part, et Philippe Robrieux, deux historiens du communisme, qui étaient d'ailleurs partis avec toutes les archives du PC, qui gardaient chez eux, contre vents et marées. On a dit pourquoi pas, d'autant plus qu'on ne les a jamais vus, donc ce n'était pas très très gênant. Non. Et puis, cette tentative d'être réaffilié au CNRS, qui est un titre apparemment de gloire pour beaucoup ici, bah, finalement a fait long feu. Et bah, le GIAD a continué à travailler très correctement en organisant des colloques, par exemple, sur l'idée de gauche. Une troisième gauche est-elle possible ? Un beau colloque qu'on avait fait. Voilà. Et puis, ce laboratoire était quand même branché sur une autre initiative que j'ai prise, que je vais rappeler parce que, Fabrice Coup qui est là, elle la connaît bien, puisqu'elle elle s'inscrit dans le même esprit que le Sophia Paul. Cette autre initiative, c'était quelques années après mon arrivée, la création de ce qu'on a appelé des diplômes d'humanité moderne. Et là encore, l'idée, c'était de faire vivre des formations bidisciplinaires en l'occurrence. Je fais un petit retour en arrière. Quand j'ai été nommé à Caen, assistant en 1967, j'ai été nommé assistant de Claude Lefort. Claude Lefort qui était l'héritier de Maurice Merleau-Ponty, l'animateur avec Cornelius Castoriadis de la revue Socialisme ou Barbarie, que je considère comme l'équivalent français de l'école de Francfort, fondamentalement. Et alors, je ne veux pas vous écœurer, mais enfin, ma nomination s'est passée à peu près en 3 minutes. 1967, pas de commission, Lefort est nommé, il me dit « Est-ce que vous êtes mon assistant ?» Je lui dis « Ok ». Alors, je préparais une thèse d'économie, donc je deviens assistant de sociologie. Tout ça pour dire qu'il y a une optique de sciences sociales générales, enfin, c'était plus facile à l'époque qu'à la vôtre, qu'il y a une optique de sciences sociales générales, et d'autant plus que le cursus de sociologie créé à Caen, et c'est resté encore comme ça aujourd'hui, assez largement, a toujours été un cursus profondément multidisciplinaire en sciences sociales, avec des enseignements de sociologie, d'anthropologie fondamentalement, de psychanalyse, d'économie, etc., etc. Et c'est cet esprit d'une sociologie générale que j'essaie de maintenir dans le cadre de la revue du MOS et qui me semble-t-il, continue à animer très largement le Sophia Paul. C'est lui qui a présidé à la création de ses diplômes d'humanité moderne qui a été entreprise en commun avec l'école normale supérieure de Cachan. Il se trouve qu'à l'époque, les normaliens de Cachan étaient obligés de suivre leur cours à Nanterre. Donc ça nous faisait de la chair à canon, des ressources disponibles. Et les enseignants, les dirigeants de normes de Cachan étaient soucieux de rationaliser l'emploi du temps, parce que c'était le bordel complet. Et donc on fait très vite affaire avec moi, avec nous. Et donc on a quand même fait vivre pendant presque 10 ans, un peu moins de 10 ans, une formation, ce qu'on appelle de sciences d'humanité moderne, avec des doubles licences sociologie-économie ou sociologie-histoire et même sociologie-économétrie, des doubles maîtrises sociologie-économie, économétrie, sociologie-histoire, etc. Et ça, à la fois très mal et très bien marché pendant toutes ces années. Très bien marché sur le plan pédagogique, parce que les étudiants étaient ravis, les enseignants qui y intervenaient y étaient ravis, en tout cas quand on réussissait à trouver un historien pour faire cours. En revanche, très mal marché parce que l'administration de Nanterre a été une catastrophe absolue. Même au bout de 7-8 ans, et d'ailleurs c'est ce qui a signé la fin de cette tentative, au bout de 8 ans, les normaliens de Cachan, au mois de mars, n'avaient toujours pas réussi à faire leur inscription administrative à Nanterre, à force de courir entre les différents bureaux. Et pour ce qui est de l'organisation, moi au début, et puis après François Batin qui a pris le relais courageusement, pour faire les emplois du temps, il fallait passer son temps à courir entre secrétariat de sociologie, secrétariat d'histoire, secrétariat d'économie, courir après l'administration, etc. En deux mots, l'université de Nanterre a passé son temps, lorsqu'elle faisait des rapports sur l'université auprès du ministère, à dire « on a une initiative formidable ». interdisciplinaire, et d'ailleurs c'était très valorisé par le ministère en apparence, voilà. Et en revanche, à tout faire pour empêcher que ça fonctionne, en disant, nous, ce qui nous intéresse, c'est les premières années. Vos formations sont élitistes, ce qui était faux, parce qu'il y avait moitié normalien et moitié étudiant de sociologie ordinaire qui voulait simplement travailler un peu sérieusement, de manière intéressante. Au moment de la réforme LMD, quel jeu a joué la présidence de Nanterre ? Je n'en sais absolument rien. Mais on a passé des semaines et des semaines à envoyer des rapports au ministère. Le ministère n'a jamais répondu à nos demandes. Et par contre, certains de mes amis à Paris 1 qui avaient fait une demande de création de diplôme équivalent ont obtenu l'habilitation à peu près en une heure avec un coup de téléphone au ministère. Bon, voilà, voilà comment se passent les choses. Bien, un petit peu avant la fin, je pense, de cette expérience d'humanité moderne, nous décidons avec Christian de tenter le coup de la création du Sophia Paul, donc de réunir, comme je le disais, la filière de sociologie politique et la filière de philosophie politique contemporaine. Et nous espérons un moment, alors nous rédigeons un projet, effectivement centré, comme l'a rappelé Stéphane, sur la question de la théorie de la reconnaissance, et je veux dire que moi j'étais très intéressé, puisque je pense pour ma part que ce que j'appelle le paradigme du don et ce que Axel Honneth par exemple appelle le paradigme de la reconnaissance, c'est les deux faces de la même chose. Encore faut-il le montrer, faut-il travailler sur cette affaire-là et en tirer les conséquences. Nous décidons, là encore parce que c'est chic en apparence, de nous faire habiliter par le CNRS, et bien sûr nous essuyons un refus radical de toutes les sections du CNRS, puisque, comprenez-le bien, la rhétorique officielle chez tout le monde, c'est « nous sommes pour l'interdisciplinarité », la pratique, c'est l'hostilité absolue à toute forme d'interdisciplinarité dans les sections du CNRS, de l'université, etc. Du coup, nous nous rabattons, et Dieu merci, je dirais, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Dieu merci, on n'a pas été habilité par le CNRS, on dit une catastrophe. Oui, une catastrophe. Ouais. Catastrophe. Parce que alors là, du coup, c'est déjà, dans les modes de fonctionnement actuels, on passe son temps à faire des rapports que je ne qualifierai pas. Mais alors, pour le CNRS, c'est un contrôle permanent, c'est totalement épuisant. Et donc, les gens qui y sont souvent ne demandent qu'à en sortir. Bien. Mais il fallait quand même être habilité. Donc, on demande une habilitation comme laboratoire d'accueil, comme on disait, auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. On envoie le dossier et nous recevons la réponse de l'expert du ministère. Je me rappelle encore presque son nom, c'était qui vient de me sortir d'esprit, enfin peu importe, qui écrit « L'idée même de marier philosophie et sociologie est totalement absurde. C'est impossible, c'est inconcevable. » Bien. Donc c'est alors, tout ça à côté, bien sûr, des exhortations permanentes à l'interdisciplinarité. Bon, c'était un peu décourageant, j'en parle à un des collègues de sociologie qui travaillait à mi-temps au ministère, qui me dit « Oh mais Alain, ne t'inquiète pas, ça c'est pas grave du tout, parce que ça c'est la vie du bureau 137, mais il faut savoir que la femme du chef du bureau 240, qui est un bureau supérieur au bureau 137, est d'un autre avis, je peux la connaître, et d'ailleurs elle est en relation avec le conjoint de, je ne sais pas quoi, de la femme du bureau 430, donc ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. » Et ben, de fait, c'est ce qui s'est passé, on a été habilité. Et nous avons réussi à survivre de manière assez particulière, puisque finalement, ce géode réunissait non seulement la sociologie politique et la philosophie politique, mais plus précisément une sociologie politique dont certains membres étaient assez sérieusement à droite, et une philosophie politique qui n'était pas précisément droitière, qui était même plutôt très largement gauche de gauche. Dans notre grande sagesse, Christian et moi, nous n'avons jamais organisé à l'époque une rencontre de tous les membres du laboratoire. Nous n'avions pas véritablement de règlement, d'élection, etc. Et donc tout ça a fonctionné très bien, à la satisfaction générale, sur un mode de despotisme éclairé, radicalement démocratique. Alors, on est d'accord là-dessus. Bien. Et voilà, c'est à peu près l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Alors petit à petit, l'effectif sociologie s'est quand même étoffé, puisque quand même pendant les toutes premières années, le gros de l'activité du Sophia Paul a été le fait en tant que tel, du Sophia Paul en tant que tel a été le fait des philosophes, et notamment des doctorants de philosophie, qui ont toujours été d'un dynamisme absolument bluffant, pas pour tout dire, et notamment au début les étudiants de Christian et puis de Robert, avec un taux d'activité invraisemblable, je ne sais pas combien de journées d'études, de colloques chaque semaine. Impressionnant. Je ne sais pas comment Delphine a tenu le coup, enfin elle a tenu le coup, elle a organisé tout ça, le café, les affiches, etc. Et petit à petit, ah oui, ici quand même, dernière petite historiette pour finir. Je le rappelais tout à l'heure, Sophia Boll, ça veut dire sociologie, philosophie, anthropologie politique. Bon, d'abord, ça permettait de faire un beau jeu de mots, sur, enfin, un bel acronyme sur Sophia, il fallait caser quelque part quand même. Mais dans mon esprit, c'était tout à fait important d'avoir un vrai débat avec les anthropologues. Et ce débat a commencé à prendre un petit peu forme lorsque, 2-3 ans après la création du Sophia Boll, mon ami Robert Amaillon, qui était professeur de technologie dans le bâtiment C, qui est la grande spécialiste, je dirais, mondiale du chamanisme, et qui dirigeait le laboratoire d'études mongoles et sibériennes, avec une magnifique bibliothèque de milliers de livres ramenés de Sibérie, etc., me dit, bon, ça devient insupportable en ethnologie, est-ce que je peux rejoindre ton laboratoire ? Avec l'accord de Christian Mantoux. Je dis, oui, ok. Et simplement, là encore, ça a été des bagarres homériques, parce qu'elle voulait conserver sa bibliothèque, et bien sûr, ses collègues d'ethnologie, que j'avais consultés, qui m'avaient dit, ok, pas de problème, mon débarras, vous prenez-la. Bon, c'est des guerres d'héritage de Dampierre, je n'entre pas dans les détails. Mais elle voulait absolument récupérer la belle bibliothèque qu'elle avait, les locaux. Voilà, donc c'est remonté jusqu'à la direction du CNRS qui envoyait des camions de déménagement. Et finalement, comme on n'avait pas vraiment la place de mettre 3 ou 4 000 livres d'ethnologie dans le bureau de Delphine, elle a pris un bureau à l'école pratique d'autres études. Voilà. Et puis un petit peu après, ça aurait pourtant été vraiment intéressant. J'ai été également contacté par les héritiers de Louis Dumont. Louis Dumont, il y a 20 ans, c'était l'ethnologie française, 25 ans. Ce qu'il y avait de plus important d'un point de vue théorique en anthropologie en France. Après, on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, c'est comme ça. 10-15 ans après, les héritiers de Louis Dumont, ou plus exactement les héritiers des héritiers de Louis Dumont, les élèves des héritiers de Louis Dumont, qui avaient pris le pouvoir au CNRS en ethnologie, révolte contre le père, s'étaient pris d'une détestation absolue contre la génération 2 après Louis Dumont, et eux étaient la génération 3. Avait désaffilié tout le laboratoire de Dumont, non seulement du CNRS, mais de l'école et aux études en sciences sociales, et les avait mis d'office au musée d'histoire naturelle. Si bien que lorsqu'ils voulaient faire des missions en Océanie, il fallait qu'ils fassent croire qu'ils faisaient des missions de géographes ou de spécialistes de la faune marine des eaux du Pacifique. Voilà. Donc ils auraient été contents de nous rejoindre, mais bon, encore ça ne s'est pas fait. Bien. Malgré tout, peu après, la filière anthropologie a quand même pris un petit peu de consistance en sociologie, avec l'arrivée de Philippe Combessy d'une part, et puis d'Anne Roulin en sociologie urbaine, donc deux collègues qui au départ animaient deux des autres filières que j'indiquais tout à l'heure en sociologie, la filière socio-anthropologie d'une part, la filière sociologie urbaine. Finalement, ces collègues ont rejoint le Sophia Boll et ça donnait plus d'activité, plus de dynamisme au volant proprement sociologique, même s'il me semble que dans notre alliage, les philosophes occupent encore, je pense, la part la plus importante des activités, semble-t-il. Bien, mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire, et en tout cas, et merci encore et bravo pour tout ce beau travail, et notamment pour Christian qui a assuré un relais fantastique après mon départ, et avant l'arrivée au pouvoir des deux Stéphane. Il faudrait bien préciser d'ailleurs que chaque fois que nous avions été évalués à l'époque, oui, on n'a eu que des évaluations négatives. À l'époque, on nous faisait des petits rapports en quatre lignes. Oui. On était toujours exécutés en quatre lignes par la philosophie officielle qui nous renvoyait toujours avec des verdicts extrêmement méchants en fait, dans la corbeille. Tu prends le relais ? Je prends le relais. Bon, alors moi je vais dire peut-être un peu autre chose, en fait, c'est une autre manière de raconter un peu l'histoire, mais de se faire d'une autre manière. J'avais l'intention de discuter un peu des rapports entre philosophie et sociologie, mais bon, dans un temps très limité, hein, 25 minutes, 25 minutes, c'est quand même très très court, donc c'est pas une conférence, c'est juste quelques idées, disons, quelques représentations que j'ai des rapports entre sociologie et philosophie. Et quand Alain d'ailleurs m'avait proposé à l'époque de faire l'équipe, de réaliser l'équipe, j'avais accepté évidemment sans aucune réticence, que je considérais que c'était une opportunité, une grande opportunité. Excuse-moi, Christian, j'ai oublié de dire l'essentiel, c'est qu'avant de créer ce laboratoire, évidemment, on avait travaillé ensemble à la composition de l'histoire de raisonner de la philosophie morale et politique avec toi et Michel Sennard, Bon, ça avait été une collaboration formidable. Et en tout cas, j'avais enclenché les choses. Oui, très honoré de la confiance que m'avait fait Christian, puisque pour des raisons alphabétiques, mon nom figure en premier dans cette histoire de la philosophie. Alors je suis d'une incompétence totale, mais ça les avait jamais gênés. Oui, mais bon, il y avait quand même une part sociologie aussi, oui, quand même assez importante dans la deuxième partie. Donc, bon, juste quelques idées avancées sur les rapports entre les deux disciplines, et donc je vais le faire de manière très rapide et très schématique, vous voudrez bien m'excuser, au moyen peut-être de quelques remarques sur les rapports possibles finalement entre les deux disciplines. Bon, ces remarques, évidemment, ça n'engage que moi, hein, et ça n'exclut nullement que d'autres rapports soient pensables des deux côtés, entre sociologie et philosophie, mais bien que ces remarques n'engagent seulement moi, je pense que ça comporte quelques raisons qui vont au-delà de mes simples préférences personnelles. Bon, alors peut-être on pourrait commencer par dire que tout rapprochement entre la sociologie et la philosophie n'a de sens, à mon avis, que si on peut au minimum comparer ce qui est comparable. Et on sait que la philosophie, comme la sociologie, comporte de très nombreux domaines d'investigation, de nombreux courants doctrinaux animés de préoccupations théoriques, méthodologiques, axiologiques extrêmement différentes, ce qui fait qu'il y aurait assez peu d'intérêt finalement à comparer des choses très éloignées et on risquerait peut-être de les rapprocher de manière tout à fait artificielle. On ne voit pas, par exemple, que cette partie de la philosophie qui s'occupe de métaphysique fondamentale, à travers des recherches sur les problèmes ontologiques qui préoccupaient les présocratiques, par exemple, se soucie beaucoup des recherches de la sociologie classique et contemporaine. On ne voit pas que certaines recherches en philosophie analytique sur la logique, la sémantique, l'épistémologie des neurosciences témoignent beaucoup d'intérêt pour les travaux de sociologie, même si par ailleurs ils peuvent constituer un objet d'étude pour la sociologie de la connaissance. Bon, pour qu'on puisse procéder, à mon avis, à des confrontations, à des débats entre sociologie et philosophie, encore faut-il qu'il existe au minimum un terrain commun et des objets assez voisins, finalement, sur lesquels confronter les deux disciplines. Or, nous savons qu'il y a plusieurs domaines caractérisés par l'existence d'objets communs, l'esthétique philosophique et la sociologie de l'art, par exemple, ont sans doute quelque chose à se dire, l'épistémologie philosophique des sciences sociales et la sociologie de la sociologie pourraient sans doute débattre de problèmes communs, la philosophie morale et politique aurait sans doute de multiples discussions avec la sociologie de la morale et la sociologie politique. Ces débats et ces confrontations, bien sûr, peuvent révéler des désaccords très marqués concernant la méthodologie de la recherche, la manière de découper, de construire son objet, le problème de l'attitude prescriptive ou non à adopter à l'égard de l'objet. Mais quels que soient les désaccords possibles, en tout cas, il y a des domaines relativement voisins qui permettent que la confrontation ait lieu. Alors ce que je dirais ne prendra son sens que si on présuppose cette relative proximité finalement sur des domaines d'objets comme ceux qui existent par exemple entre la sociologie et l'économie ou entre la sociologie et le droit. Dans la mesure où des domaines d'objets relativement proches peuvent être cependant construits avec des cadres théoriques, des concepts, des méthodes qui caractérisent deux disciplines distinctes, on peut peut-être commencer par lister rapidement deux différences majeures entre les deux disciplines pour voir ensuite quels sont les terrains de rencontre. Bon, la sociologie, comme théorie globale de la société, mais peut-être plus modestement comme étude du lien social, se veut une science positive, en fait, fondée sur la possession d'un cadre théorique, la mise en œuvre de concepts spécifiques, l'utilisation d'hypothèses, de programmes de recherche, qui sont en principe orientés vers des enquêtes empiriques qui permettent de valider ou non les concepts et les programmes de recherche qui en ont été à l'origine. De ce point de vue, l'enquête, comme en ethnologie ou en psychologie sociale, c'est un peu la pierre de touche de la sociologie, bien qu'il existe certainement des sociologues, en fait, comme les sociologues analytiques, je pense à Gilbert, à Tuomela, etc., qui ne pratiquent pas du tout d'enquête de terrain, ou plus encore, qui se servent d'ailleurs d'expériences imaginaires ou recourent à des expériences de pensée pour valider des énoncés théoriques. En second lieu, la sociologie, comme science positive, n'a pas pour objet, à la différence de la philosophie morale et politique, de formuler des prescriptions normatives, mais au contraire de décrire et d'expliquer la nature des structures sociales ou des interactions sociales dont elle cherche à rendre compte, même si dans les faits, on trouverait sans doute nombre d'attitudes prescriptives implicites, j'y reviendrai, aussi bien chez Comte que chez Tenise, chez Weber que chez Durkheim, chez Simmel ou chez Bourdieu. Il s'agit là évidemment d'une double différence donc avec la philosophie qui pratique essentiellement, pour reprendre la thèse défendue par Deleuze et Guattari, une activité spéculative de construction de concepts sur son versant cognitif et sur son versant pratique de manière dominante, disons en tout cas en philosophie morale et politique, une activité prescriptive à l'égard des agents sociaux, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je me reconnaisse personnellement dans cette manière de faire. Bon, cette comparaison très sommaire et très grossière fait apparaître à première vue que ce qui ressort d'une telle comparaison, c'est bien plutôt a priori la distance que la proximité. Cela étant, d'un autre côté, la sociologie est une science positive dont les cadres théoriques et les concepts ne sont pas issus des enquêtes empiriques, ou pas forcément issus des enquêtes empiriques, mais qui ont une certaine autonomie à l'égard des enquêtes et des pratiques. Et c'est souvent d'ailleurs du côté de la philosophie qu'il faut chercher l'inspiration la plus générale de la théorie sociale des sociologues. La sociologie française, par exemple, lorsqu'elle a une ambition théorique, a tout de même été réalisée par des sociologues à peu près tous issus de la philosophie. C'est le cas de Comte, c'est le cas de Durkheim, c'est le cas de Tarde, c'est le cas de Mauss, c'est le cas de Granet, c'est le cas de Friedman, c'est le cas de Aron, c'est le cas de Lévi-Strauss, c'est le cas de Bourdieu. Mais on pourrait montrer que la sociologie allemande manifeste elle aussi une grande proximité avec la philosophie dans son inspiration théorique. On pourrait invoquer Tönnies, Simmel ou Weber, sans parler évidemment de l'école de Francfort. On connaît les inspirations nietzschéennes de Weber, la dette de Durkheim à l'égard de Kant, de Rousseau, de Spinoza, l'inspiration kantienne de l'éthologie de Lévi-Strauss, l'inspiration husserlienne, wittgensteinienne, leibnizienne de Bourdieu, l'inspiration husserlienne de Schutz. On pourrait même dire qu'à un certain niveau de généralité théorique, d'ailleurs, concernant les énoncés les plus fondamentaux sur la nature de la structure sociale, il n'y a pratiquement plus de différence, au fond, entre sociologie et philosophie. Alors si on quitte cependant le simple terrain de ces croisements pour s'intéresser de plus près aux raisons d'une intégration réciproque du travail de ces deux disciplines, on pourrait avancer les raisons suivantes qui peuvent conduire à leur rapprochement conséquent sans perte d'identité ni abolition des tensions entre les deux disciplines. Ce rapprochement peut d'ailleurs commencer, à mon avis, par une sorte de leçon salutaire que la sociologie peut délivrer à l'égard de la philosophie. On sait que le projet durkheimien de création d'une sociologie comme science positive des rapports sociaux est explicitement dirigé contre le caractère purement prescriptif de la philosophie pratique dont il conteste les postulats de départ. La science, dit-il dans sa leçon d'ouverture du cours de sciences sociales de 1888, étudie ce qui est, et la philosophie pratique comme art politique, je le cite, se borne principalement à combiner les moyens en vue de définir ce qui doit être, et si les sociétés sont ce que nous les faisons être, il n'y a pas besoin de les connaître, puisqu'il suffit de connaître principalement ce qu'on désire qu'elles soient. Il suffit de déterminer la fin qu'elles doivent remplir et d'en déduire les meilleurs moyens de l'atteindre. À l'opposé d'une telle problématique, Durkheim fait observer, en rapport avec la thèse de Comte, que parce que le social est une forme particulièrement complexe de l'organisation du vivant, les sociétés sont des êtres naturels et en conséquence qu'elles doivent elles aussi relever des lois nécessaires de la causalité. S'il en est ainsi, donc il est peu probable qu'on puisse prescrire à la société quelque fin que ce soit, sans même savoir si les lois sociales, au fond, rendent possible une telle prescription. De fait, conclut Durkheim, avant de chercher ce que doivent être la famille, la propriété et la société, il faut savoir ce qu'elles sont, à quels besoins elles correspondent, à quelles conditions elles doivent se conformer pour vivre. On pourrait tout à la fois généraliser et actualiser ce verdict durkheimien à l'intention, par exemple, aujourd'hui, des travaux en philosophie politique. Il est particulièrement important pour la philosophie politique contemporaine de parvenir à dépasser une approche purement conceptuelle du politique et des différentes logiques sociales en se dotant, à mon sens, d'une solide approche de théorie sociale. Or, celle-ci n'a de sens que dans la mesure où ces cadres théoriques et ces concepts peuvent être étayés par des travaux théoriques et empiriques menés par les sciences sociales et la sociologie en particulier. Il est en effet impossible, à mon avis, de prendre aujourd'hui au sérieux un travail philosophique sur le devenir du travail contemporain et de ses effets sans prendre appui sur les multiples enquêtes sociologiques approfondies qui ont été conduites au cours des dernières années en France. Impossible de travailler philosophiquement sur la question des identités, depuis l'identité ethnique jusqu'à l'identité de genre, en passant par l'identité nationale, sans une solide information sur les travaux sociologiques qui s'intéressent au phénomène d'appartenance. Impossible de fournir un travail sérieux sur les logiques de reconnaissance, les pratiques de care, les logiques de vulnérabilité, d'exclusion et de précarité, sur la conflictualité sociale, la mobilisation collective qui lui est liée, sur les phénomènes délibératifs ou les phénomènes de ségrégation territoriale, sans une information précise sur les apports théoriques et empiriques de l'interactionnisme, de la sociologie critique, de la sociologie culturaliste et de bien d'autres courants encore. On peut sans doute prétendre expliquer les phénomènes sociaux ou légiférer sur eux sans passer par leur appréhension scientifique, mais c'est au risque dans ce cas et au prix d'un déficit théorique et empirique élevé. Prenons un exemple simple, celui par exemple de la formation des groupes sociaux, pour lequel il existe des explications proprement philosophiques qui s'estiment entièrement autosuffisantes. Prenons par exemple le cas de la philosophe sociologue anglaise Margaret Gilbert, qui dans divers travaux se réclame pourtant d'ailleurs d'une filiation durkheimienne et qui tente de rendre compte de la formation des groupes sociaux. La thèse de Gilbert, qu'on trouve exposée dans le recueil de textes traduits en français, qui s'appelle « Marcher ensemble, essai sur les fondements des phénomènes collectifs », qui est publié aux presses universitaires de France en 93. La thèse de Gilbert est que pour former un groupe social, même minimal, il suffit d'une intention partagée de certains agents d'agir ensemble et de l'existence d'un savoir commun entre eux de cette interaction partagée. Je sais que vous voulez que nous agissions ensemble, vous savez que je veux que nous agissions ensemble, et nous savons tous deux que nous voulons agir ensemble. Cette intention partagée, réciproquement connue, assure deux ou plusieurs protagonistes que leur intention est partagée et qu'ils peuvent donc s'attendre à ce que les autres agissent de la manière projetée, ce qui les engage à agir en comptant sur les autres. Cette attente réciproque, selon Gilbert, crée une sorte d'obligation collective à l'action qui ne peut être rompue parce que l'intention réciproque a créé une intention collective d'agir qui est irréductible à une simple addition d'intentions séparées. Et ça a engendré en fait une sorte de sujet pluriel qui agit comme un seul corps et dont personne n'a le droit de se retirer sans l'assentiment des autres. Si on adopte cette démarche-là, on a besoin en tout et pour tout, pour former un groupe social, que d'une simple analyse de l'intention partagée des protagonistes et des implications normatives de cette intention. Autre exemple, celui de Sartre. Celui de Sartre dans la critique de la raison dialectique, quand il analyse la construction d'un groupe social dans un contexte conflictuel, ce soit la Révolution française, les conflits ouvriers du 19e ou 20e siècle, ou les conflits de libération nationale dans la seconde moitié du 20e siècle. Dans tous les cas, dit Sartre, on sait que le groupe social se construit sous forme d'unité originaire, qui est celle du groupe en fusion, et que pour être formé, le groupe requiert simplement l'existence d'une totalisation tournante de l'ensemble des membres du groupe par chaque autre, qui devient le tiers entre les autres membres et la totalité du groupe à former. Réaliser l'unité du groupe, pour Sartre, c'est essentiellement se la représenter distributivement de la part de chacun, à partir d'un projet d'action et au moyen d'une intentionnalité totalisante et tournante. Cette totalisation, il la décrit dans la critique, comme une opération synthétique de la conscience de chaque individu qui va unir le divers de la perception, c'est-à-dire ici les autres individus hétérogènes dans leur identité abstraite, à partir d'un projet, la résistance à une menace, et qui se pose ainsi en tiers médiateur entre les autres individus et le groupe en création. Donc la chose se présente sous la forme suivante. La multiplicité des synthèses réciproques fait de chacun l'élément d'une multiplicité synthétisée en unité par chaque autre, qu'il intègre lui-même comme élément de la multiplicité qui synthétise en unité. Donc chaque pouvoir constituant, si vous voulez, on peut dire ça autrement, chaque pouvoir constituant est en même temps l'élément constitué de tout autre pouvoir constituant. Et pour le dire encore autrement, chaque tiers totalise les autres comme ensemble, moins lui qui est totalisateur extérieur, mais il totalise un ensemble dont tous les membres totalisent le même ensemble, plus lui qui est un élément, et donc on a la forme réciprocité médiée et complète. Pour que cette unité se produise, que ces totalisations concordent, ça suppose qu'on puisse vérifier évidemment que chacun soit membre de la totalisation de tous les autres et que tous les autres soient membres de la sienne. Et donc ça, c'est la coprésence des membres du groupe et leur interaction dans la situation de fusion qui assure la possibilité même de cette vérification. Donc l'unité du groupe, en fait, la totalité, elle est produite par le fait que chacun ne peut totaliser les autres comme membres d'un groupe que parce qu'ils ont en commun tous le fait de se totaliser et que les totalisations coïncident. Donc de l'intérieur, c'est de l'intérieur de chaque synthèse et par réciprocité multipliée et concordante que se construit finalement l'unité du groupe. Enfin, dit Sartre, dans cette construction, tous les tiers, en tant que membres du groupe qui décident désormais de son action, entretiennent une relation d'égalité en tant que tiers totalisateur et souverain. Or, cette totalisation réciproque, inséparable d'un projet de résistance collective, manifeste pour Sartre la liberté de chaque tiers, liberté qui est égale finalement de la part de tous les tiers qui totalisent. Donc, totalisation réciproque, c'est inséparable finalement de la reconnaissance mutuelle d'égalité de la liberté, par quoi le groupe en fusion exemplifie sans reste finalement la relation de reconnaissance réciproque originaire qui avait été analysée par Sartre au début de la critique. Donc c'est à partir de cette souveraineté partagée, de cette reconnaissance mutuelle, que le groupe dispose d'un principe de décision et d'action collective qui lui permet de réagir de façon coordonnée et coopérative à la séquence des événements qui vont scander la poursuite du conflit. Bon là, comme chez Margaret Gilbert, on a une sociologie de philosophes, en fait, produite avec des moyens conceptuels purement philosophiques. On a besoin de rien d'autre que d'une théorie de la conscience pour produire le groupe. Bon, cela étant, on pourrait montrer que cette sociologie de philosophes est paradoxalement partagée par des sociologues qui se livrent à peu près au même exercice. On pourrait invoquer ici l'approche théorique qui, en sociologie, combine individualisme méthodologique et théorie du choix rationnel. Et on trouverait des travaux aussi variés que ceux de l'ethnologue anglais Michael Banton, des sociologues américains Michael Echter, James Coleman, du politologue Russell Hardin, qui illustreraient au fond assez bien ce phénomène. Dans son livre, par exemple, sur la formation des groupes sociaux, One for All, Russell Hardin, par exemple, cherche à montrer que l'identification des individus à leurs groupes sociaux d'appartenance ne repose pas du tout sur un partage de propriétés sociales communes des individus, mais repose sur l'exigence de faibles coûts de transaction dans l'organisation du groupe social. Plus les individus s'entendent facilement, se comprennent mutuellement, plus leurs croyances sont convergentes et leurs intérêts proches, plus les coûts d'organisation de la structure collective d'un groupe s'affaiblissent, plus le groupe tend vers l'unité, plus l'identification des membres se révèle aisée. Ici encore, il n'est besoin de rien d'autre que d'un simple calcul, d'un coût-bénéfice, au fond, pour expliquer la formation du groupe social. Dans tous les cas de figure, dans cette sociologie de philosophes, il n'est besoin ni d'identité, ni de statut, ni de capitaux sociaux, ni de processus de catégorisation sociale, ni d'existence de formes de contagion émotionnelle reliées à des mécanismes empathiques. L'intention intersubjective, la totalisation tournante, le calcul individuel se révèlent autosuffisants pour rendre compte de ce type d'existence collective. Bon, ça n'est d'ailleurs pas à dire d'ailleurs que ces trois propriétés des agents sociaux ne jouent aucun rôle, bien sûr, dans la formation des groupes sociaux, mais qu'elles le font en fait dans des contextes sociaux où existent des propriétés sociales déterminantes qui doivent être prises en compte en fait pour penser ces phénomènes collectifs. Sans une analyse sociologique informée, la philosophie sociale, à mon avis, ne pourra pas aller très loin dans cette voie de façon productive. D'un autre côté, cette analyse malheureusement schématique, bien sûr, et trop rapide, ne plaide pas en faveur d'une absorption de la philosophie sociale au sens large par la sociologie. J'ai dit au début que l'une des caractéristiques de la sociologie, en tant qu'elle se veut une science positive, consiste à rompre avec une attitude purement prescriptive, caractéristique de la philosophie morale et politique classique. Mais cela étant, ce n'est pas parce que cette attitude ne se manifeste pas ouvertement qu'elle n'existe pas. Les sociologues peuvent sans doute mettre en avant la neutralité axiologique de la science chère à Weber. Il n'empêche que les attitudes prescriptives sont très présentes dans toutes les théories sociales. On ne fera croire à personne, par exemple, que Durkheim est favorable à l'anomie, qu'il n'est pas un défenseur des droits individuels et de la solidarité sociale, que sa sociologie ne vise pas à reconstituer des formes d'organisation sociale corporative nécessaires à la médiation entre l'État et l'individu. On ne fera croire à personne que dans le conflit entre dominants et dominés, Bourdieu observe une prudente attitude de neutralité. On ne fera croire à personne que Pareto n'est pas un penseur critique de la démocratie et que Mauss ne s'inscrit pas dans un courant du socialisme associationniste. On pourrait multiplier les exemples. Mais dans la mesure où la théorie sociologique peut se révéler orientée par des choix éthico-politiques implicites, le travail du coup de critique philosophique peut se révéler utile dans l'explicitation de ces choix, dans le repérage des traditions dont ils relèvent et dans l'analyse des contraintes qu'ils impliquent et des justifications qu'ils réclament. Si l'un des bénéfices du travail philosophique consiste en effet à exiger systématiquement une clarification des raisons d'acceptation de tel ou tel type de valeur ou de croyance, elle peut alors demander à la théorie sociale au sens large d'expliciter et de justifier les systèmes de valeurs qui sont au fondement de ces prescriptions souvent implicites qui travaillent la théorie sociologique elle-même. De la même manière, si, à un certain niveau de généralité théorique, il devient difficile de savoir avec précision si on se situe encore dans la sociologie ou dans la philosophie, il n'est pas impossible que la théorie sociologique recourt à des principes métaphysiques ou à des thèses anthropologiques qui apparaissent un peu comme les concepts limites de la théorie sociale, qui ne possèdent pas forcément de justification théorique explicite, au motif que leur justification proviendrait de la pratique et de l'enquête elle-même. Le concept d'habitus de Bourdieu, par exemple. C'est un concept sociologique clairement défini dans ses différents éléments composants. C'est un concept qui travaille toute sa théorie sociale, mais qui comporte cependant une présupposition philosophique jamais clairement explicitée concernant la prééminence du corps sur l'esprit. Présupposition qui aurait mérité une discussion philosophique à part entière, parce que l'enquête sociologique ne pourra jamais justifier à elle seule cette thèse de la prééminence du corps dans les processus de socialisation. De même, l'une des propriétés centrales du concept d'habitus, à savoir le prédicat de disposition, une théorie dispositionnaliste, mériterait elle aussi une discussion philosophique substantielle, car il ne va pas de soi en réalité qu'il existe quelque chose comme des dispositions, ce que contestent par ailleurs assez vigoureusement les philosophes dits actualistes. De la même manière, une large partie de la sociologie contemporaine post-critique, pratiquée par des sociologues comme Touraine, Dubarre, Dubé, Kaufmann, De Singly, etc., soutiennent qu'avec l'affaiblissement de toutes les déterminations sociales caractéristiques de la modernité, les acteurs sociaux se retrouvent dans une position d'indétermination qui leur consent un espace de liberté, aussi bien dans le choix de leur appartenance sociale que dans celui de leur identité. De ce point de vue, il faudrait sans doute une discussion philosophique assez approfondie pour savoir ce que peut bien vouloir dire la notion de choix d'identité, tout comme la notion de choix de croyance d'ailleurs. Rien de moins évident qu'une telle proposition théorique. De la même manière, les sociologues comme Echter, Coleman ou Hardin, qui dans le sillage des économistes font du concept d'identité individuelle et collective le produit de calculs stratégiques de maximisation, enfin vous voyez aussi les derniers travaux de Jean Tirole sur les concepts d'identité, avec de Benabou, c'est la même chose. Donc tout cela recourt en fait à un concept d'identité instrumentale qui aurait dû faire l'objet d'une discussion théorique approfondie avant et pendant sa mise au travail dans la théorie sociale. On pourrait multiplier les exemples, mais je crois que les quelques exemples que j'ai mentionnés suffisent à montrer l'intérêt pour la sociologie aussi d'une évaluation philosophique de son cadre théorique et illustrent l'idée que j'avançais au début de ce propos, à savoir que la coopération n'est nullement synonyme au fond d'une absorption réciproque et que d'un autre côté, la tension possible au fond entre les deux disciplines constitue de fait une condition de coopération sans aucun renoncement des deux côtés. Bon, ben, je crois que tout ça justifie amplement, à mes yeux en tout cas, que cette coopération se poursuive, et je pense que nous l'avons entamée, nous avons discuté de cela à plusieurs niveaux, à plusieurs reprises et de multiples manières. Je pense que c'est un élément de fécondité finalement pour les deux théories que de pouvoir discuter dans ce cadre et avec ce type de problématique, bien que nous puissions aussi évidemment avoir des terrains d'investigation tout à fait empiriques dans lesquels on peut reproduire au fond ce genre de discussion. Voilà pourquoi, quand Alain m'a proposé de réaliser cette équipe, au fond j'ai accepté tout de suite, ce que je pensais en effet que c'est dans ce genre de problématique et de travail interthéorique finalement qu'il fallait progresser. Merci. J'aurais peut-être une question pour enclencher la discussion. Puisque finalement, moi aussi. D'accord, super. Tu veux attaquer? Non, je t'en prie. Finalement, vous l'avez abordé tous les deux, mais sans directement rentrer dedans en tant que tel. En quoi est-ce que le programme de la théorie de la reconnaissance, justement, pouvait en quelque sorte être... Vous pouviez le considérer comme étant justement une forme d'articulation entre... Alors, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, ou de manière plus générale, la question d'une science sociale, en quoi est-ce que ça permettait cela, d'une certaine manière? Et peut-être une deuxième question subsidiaire, enchâssée dans la première, qui est quid de la question de l'histoire à l'intérieur de tout ça? Je t'en prie. Alors, sur la question de la reconnaissance, moi je pense que c'était justement un objet par excellence dans lequel on pouvait faire converger des approches de type sociologique et des approches de type philosophique. Là encore, on pouvait faire de la reconnaissance une théorie purement philosophique autonome, là encore une théorie de philosophe, mais je pense que c'est une théorie dont, malheureusement, enfin je m'excuse, je reviens encore à cet exemple, Sartre nous a encore un peu donné l'exemple dans lequel les phénomènes de reconnaissance sont des phénomènes qui se jouent dans des interactions individuelles, en fait des sortes d'interactions entre les consciences, et on n'a pas tellement besoin d'autre chose finalement pour élaborer ou pour construire un concept de reconnaissance que ces interactions individuelles. Comme si en fait le statut n'avait aucune importance, l'appartenance de classe n'avait aucune importance, la répartition dans l'espace social n'avait aucune importance, les dotations en capitaux des individus n'avaient aucune importance, comme si dans les phénomènes de mépris social, la hiérarchie sociale n'avait aucune importance. compétence. Donc là encore, faire ça ou travailler ça de manière tout à fait autonome, en fait, sans un apport sociologique un peu construit, avec des données empiriques sur les différences statutaires, sur les formes d'appartenance sociale, ça paraissait regarder un peu les choses du point de vue de Sirius. Et je crois que c'est un peu une manière de sortir justement de cette approche purement philosophante qui conduisait en fait à regarder clairement du côté des sciences sociales. La question du don, par exemple, aussi était un élément, un moyen d'aller regarder de très très près comment, dans les formes agonistiques, par exemple dans le don, se jouaient des phénomènes de reconnaissance. Ça voulait dire au fond que les phénomènes de reconnaissance n'avaient pas d'autonomie sociale et qu'ils étaient encastrés dans des logiques sociales qu'il fallait expliciter. Au fond, ce qui est intéressant justement dans le rapport entre don et reconnaissance, sur lequel on a pas mal travaillé, c'était cette idée-là, c'est-à-dire l'idée de dire qu'au fond, la reconnaissance n'était pas abstraite et ne se produisait pas comme ça dans l'abstrait, un plan purement conceptuel, mais qu'on pouvait l'avoir travaillé dans les formes agonistiques du don chez Mauss, par exemple, pour pouvoir voir ce que signifiait justement dans l'acte même de donner, de recevoir, de rendre avec surenchère, ou de recevoir avec surenchère sans pouvoir rendre, etc., commence à générer des conflits très particuliers à l'intérieur des sociétés dites archaïques, mais pas seulement les sociétés archaïque, et donc c'était un moyen à travers ce concept de penser un peu aussi un fait social total, tirant finalement le fil et de faire converger finalement tout un ensemble de logiques sociales lourdes qu'il fallait réinvestir dans ce travail. Voilà, moi c'était un peu comme ça, je voyais ce travail sur la reconnaissance qui était un point d'articulation très pertinente au fond de la sociologie et de la philosophie. Et il me semble qu'une partie du travail qu'on a fait en termes de colloques, de séminaires, de journées d'études, etc., ça a à chaque fois à peu près montré comment on pouvait réfléchir collectivement, mais sans aucun problème en fait, sur un concept semblable, parce qu'on avait cette union-là et cet encastrement-là qui se faisait. Bien, moi je veux dire la même chose d'un point de vue un tout petit peu différent. À partir d'un point de départ légèrement différent, moi mon point de départ premier, ça tient à mon parcours, c'est une grande inquiétude face à la domination au sein des sciences sociales et dans une partie de la philosophie politique également, de ce que j'appelle le modèle économique des sciences sociales, ou si vous préférez l'utilitarisme. Donc le modèle économique est tout simplement la cristallisation exemplaire. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il existe une science sociale générale. Tout le monde dit que c'est impossible pour les sociologues. Tout le monde voit uniquement la multiplicité des écoles. En philosophie, c'est pareil. Il y a des tas d'écoles rivales, etc. Mais si on prend les choses d'un autre point de vue, et je pense que Fabrice sera d'accord avec moi, il existe une science économique très largement unifiée. Ça n'empêche pas toutes les différences idéologiques que l'on voudra. Mais le corpus proprement conceptuel, théorique, académique, il est très, très homogène, très unifié à l'échelle mondiale désormais. Il y a des outils analytiques que tous les économistes connaissent. Et ce modèle économique, il est présent bien sûr en sciences économiques, mais il informe une partie de la sociologie, c'est ce qui faisait allusion tout à l'heure. Il a informé une bonne partie de la philosophie politique à travers Rawls, mais aussi Nozick et puis bien d'autres auteurs, même une partie de la biologie d'une certaine façon, une partie de l'histoire, etc., etc. Toutes les théories de la mobilisation des ressources sont des variantes de ce modèle économique généralisé. Donc il existe, c'est mon point de départ, une science sociale générale, et qui est doublement problématique. Elle est problématique premièrement parce que c'est elle qui, quel que choix idéologique que l'on fasse par ailleurs, qui informe toutes les politiques économiques à l'échelle mondiale, fondamentalement, qui influe le politique, ce qui n'est pas le cas des philosophes ou des sociologues. Et deuxièmement, elle est fausse. Bon. Elle est fausse, elle repose sur des postulats erronés, des postulats anthropologiques erronés, et débouche sur des conclusions théoriques qui ne tiennent pas debout. Donc c'est quand même un peu problématique. Donc mon espoir, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire à Cerisy, hein, dans le colloque qu'on co-organise avec le Sophia Paul en mai prochain. Mon espoir, c'est d'élucider quelques propositions, à la fois épistémologiques, théoriques, voire normatives, qui soient partageables entre différentes écoles sociologiques, différentes écoles philosophiques, etc., au moins unies négativement par leur répulsion vis-à-vis de ce modèle économique généralisé. Bon, est-ce qu'on peut transformer ce rejet du modèle économique, cette critique du modèle économique qui peut s'inspirer de 36 000 considérations, est-ce qu'on peut transformer ça en un partage de quelques propositions sur lesquelles on puisse se mettre d'accord? C'est la question qu'on va poser à Cerisy, troisième semaine de mai, en réunissant une quarantaine de grands noms des sciences sociales. Il y a à la fois des philosophes, des anthropologues, des historiens, des sociologues, des économistes. Bon. Qu'est-ce qu'on peut se dire en commun, qui soit partageable? Alors ça, c'est mon point de départ. Après, mon choix théorique personnel par rapport à cette question, c'est que la meilleure chance de trouver quelques propositions théoriques partageables, elles sont à rechercher à l'articulation entre ce que j'appelle le paradigme du don, c'est-à-dire tout ce qu'on peut déduire de l'essai sur le don de Marcel Mauss, et de l'anthropologie de la reconnaissance, toute cette tradition qui se cherche depuis Hegel jusqu'à Honneth ou Fraser, etc. Alors, là je parle un peu pour un plaidoyer pro domo. Qu'est-ce qui permet d'unifier les deux? À mon sens, l'idée que ce qui est recherché dans la reconnaissance, c'est le désir d'être reconnu comme un donateur ou comme participant de la donation, pour employer un terme philosophique allemand, de la Gegebenheit. On participe du don et ou de la donation. C'est ça qu'on peut voir reconnu. Il me semble qu'à partir de cette hypothèse, on a quelques bases relativement simples permettant de développer des propositions théoriques alternatives au modèle du choix rationnel, la théorie de l'action rationnelle, la théorie des choix rationnels. Si on dit ça, je reviens à la question finale de Stéphane, il y a également des historiens qui sont réunis à Cerisy. Quelle est la place de l'histoire? Évidemment, elle est énorme, puisque on voit bien que dans chaque type de société, à des périodes historiques déterminées, les rôles de donateur et de donataire, la définition des rôles de donateur ou de donataire, la question de savoir qui reconnaît qui et à quel titre on est reconnu, etc., tout ça c'est sujet à une historicité considérable. Et tout le modèle du don, il est à la fois universel, c'est ce que essaie de dire Marcel Mauss, il est à la fois positif et normatif, et je dirai un mot à Christian après là-dessus, positif et normatif, puisque c'est le tiraillement de Mauss, il fait un travail quasiment de collecte ou d'ethnographie, et en même temps il prétend exhumer ce qu'il appelle le roc de la morale éternelle, tout en sachant au travers de Mauss que c'est toujours totalement historicisé. Donc c'est à la fois radicalement universel et radicalement historique. Il faut essayer de penser cette tension entre une universalité quasi naturelle et une dimension d'universalité. Juste un petit mot par rapport à ce que disait Christian, moi je suis très largement d'accord avec ce que tu dis, juste un petit peu mal à l'aise quand tu as l'air de penser que les sociologues classiques, on parle des sociologues classiques, sont normatifs en quelque sorte malgré eux et malgré leur dénégation. Durkheim, il assume plus que radicalement. C'est ce qu'il écrit dans son introduction à la division du travail en disant nos recherches ne mériteraient pas une heure de peine si elles ne devaient pas déboucher sur des propositions normatives. Et c'est justement ce qu'il reproche à Tarbes. Il reproche à Tarbes, il dit Monsieur Tarbes ne fait pas de la science parce que ça ne débouche pas sur des propositions normatives. Donc là, chez Durkheim, la dimension normative de la sociologie, elle est absolument centrale. Donc c'est pas un implicite que les philosophes viendraient débusquer, et c'est au cœur même de la recherche de Durkheim. Et du coup, je me demande, c'est vraiment une discussion qu'on peut avoir par ailleurs, je me demande si la vraie discussion est finalement, aussi clairement que tu le dis, dans le partage des rôles à la fois collaboratif et en spécificité entre sociologie et philosophie, ou s'il ne faut pas voir les choses de manière un peu différente. Peut-être en distinguant trois niveaux de la théorie sociale. Partons plutôt que de la sociologie et de la philosophie, morale et politique, partons plutôt de l'idée d'une théorie sociale. Je disais tout à l'heure, il existe une théorie sociale générale, c'est le modèle économique généralisé. Quel serait le modèle alternatif? Est-ce qu'il n'y a pas à construire une théorie sociale alternative qui serait élaborée aussi bien par les sociologues stricto sensu que par des économistes, que par des philosophes, que par des historiens, etc., etc. Parlons de cela, et à ce moment-là, on peut aller en amont et en aval. On pourrait dire en amont de la théorie sociale, il y a de la métathéorie. De la métathéorie, c'est très largement ce que tu as signé à la philosophie. C'est toute la dimension de réflexivité de la théorie, des théories sociales, des différentes disciplines, soit de l'économie, soit de la sociologie, etc., sur la pertinence de leur concept, comment est-ce que c'est fabriqué, quel est le degré de cohérence, etc. Mais c'est une réflexivité, bien sûr, qui est mise en œuvre de manière assez dominante par des philosophes, professionnellement, statutairement, etc., mais qu'il est aussi bien par des sociologues ou des économistes, on est d'accord, tu vois. Et puis après, il y a la théorie sociologique proprement dite, qui est l'application de la théorie sociale, aux réalités contemporaines, ce que ne font pas les entrepreneurs en théorie. Tu vois, donc c'est trois niveaux. Mais ça, je suis d'accord avec ça, parce que l'idée, oui, moi, je pense. Je pense qu'à un certain niveau de degré de conceptualisation, il y a plus de, à mon avis, il n'y a plus de différence en fait, entre sociologie et philosophie. Donc je ne ferai pas de distinction à ce niveau-là, parce que je pense que les propositions les plus générales de la sociologie de Weber, c'est très difficile à distinguer souvent de thèses philosophiques. Bien sûr. Je ne ferai pas de différence à ce niveau-là. Donc on est d'accord. Oui, là-dessus, oui. On va pas s'inventer des désaccords exprès. Il y a des remarques, des ajouts, des commentaires. Oui. Et ça me donne envie de renchérir sur cette position de Weber. J'aurais même envie de pousser encore un peu plus loin, parce que ça apparaissait très bien aussi dans les anecdotes, les petites histoires, qu'il y a quand même une domination subie par ce discours de Durkheim encore, qui fait qu'on a tendance à se relationner de façon défensive, alors qu'on pourrait maintenant le prendre de manière beaucoup plus offensive. La question se pose de savoir si vraiment il s'agit là d'une science empirique ou d'une sociologie empirique chez Durkheim. C'est une attaque qui avait été lancée sans suite dans le débat français par Adorno dès les années 50. On peut même l'appliquer à tous les grands chantiers, par exemple le suicide. J'ai essayé de le faire à un colloque loin d'ici. Pour montrer que ça ne fonctionne pas du tout comme une observation empirique. C'est même faux d'un point de vue factuel et archi-faux, intégralement faux. Si on voit les statistiques aujourd'hui qui sont quand même très poussées, très représentatives, ce qui n'était pas possible en son époque, ça fonctionne exactement à l'envers de tous les présupposés qui sont spéculatifs. De Durkheim, on pourrait aussi aborder le travail et toutes sortes de thèmes cardinaux chers à Durkheim, où apparemment il y a une assise, une base empirique, mais en réalité nous sommes dans une production conceptuelle spéculative. Il n'y a pas de médiation entre les phénomènes individuels et le mouvement de la société dans son ensemble. Et pour finir, dès qu'il s'agit de révolution, qui dans l'histoire française est quand même un phénomène empirique, il dit que c'est comme croire au miracle dans les leçons de sociologie, etc. Donc j'ai envie de reprendre cette... l'avenir dira comment on peut développer tout ça, mais cette impulsion adornienne pour dire que finalement c'est une sorte de métaphysique déguisée et pas du tout une science positive ou empirique. Je viens de dire un mot, mais je ne veux pas être... Sur ces histoires, moi je pense à peu près de la chose suivante, et c'est une autre manière de dire encore ce que disait Christian. Bien évidemment, la spécificité des sciences sociales par rapport à la tradition philosophique, c'est de s'intéresser aux faits. C'est le contraire de Rousseau. C'est pas écartons tous les faits. C'est au contraire, on s'intéresse aux faits. Ça, c'est ce que j'appelle l'impératif descriptif. Il y a un impératif d'empiricité. Mais par ailleurs, il y a un impératif également de recherche de causalité. Il faut expliquer. On fabrique des modèles, soit des modèles économiques, des modèles de la parenté chez les bichons, etc. Donc, deuxième impératif, un impératif explicatif. Troisième impératif, on essaie de comprendre ce qui se passe. On ne cherche pas seulement les causes des phénomènes sociaux, on cherche les raisons des acteurs. C'est un impératif interprétatif, herméneutique, comme on voudra. Et puis, je pense qu'il y a un quatrième impératif qui structure les sciences sociales. Après, les différentes sciences sociales se dispatchent, se répartissent plus ou moins facilement, aisément, entre chacun de ces impératifs. Mais le quatrième impératif, c'est un impératif normatif. Impératif normatif. C'est une interrogation sur les valeurs, bien évidemment, des acteurs sociaux et également des chercheurs eux-mêmes. Moi, ce que je pense, et qui va, je crois, assez largement dans votre sens, c'est que, contrairement à la doxa, c'est-à-dire contrairement à tout ce qu'on enseigne aux étudiants de sociologie, ou classiquement, ou d'économie, c'est qu'en fait, ce quatrième impératif est le plus important. L'impératif. C'est l'impératif de que ça fasse sens, que les concepts fassent sens, y compris pour les chercheurs, et que c'est cette dimension de normativité, d'orientation par rapport aux valeurs, pour parler weberien, de Verbetsehung, qui structure le discours proprement théorique, à la fois la recherche empirique, la modélisation et l'interprétation. Et si on se demande, et c'est là je crois que je vous rejoins, si on se demande qu'est-ce qui reste véritablement de Marx, de Durkheim, de Bourdieu, etc. Bon, bien sûr, des tas de choses, des concepts, des descriptions empiriques, des moments d'histoire, etc. Mais ce qui reste principalement, c'est ce qui fait tenir ensemble tout ça. Ce qui fait tenir ensemble tout ça. Et ce qui fait tenir ensemble tout ça, c'est vraiment la question normative sous-jacente. C'est une certaine manière de traiter des valeurs et de défendre une position éthico-idéologique. Et si on note ça, comme tendent à le faire les sciences sociales contemporaines, ou alors on fait semblant de faire... Ah bon, on pourra en dicter longuement. Si on note ça, alors tout part en morceaux. Alors, plus rien ne tient. Je rebondirai sur ce que tu viens de dire, oui, peut-être d'une manière légèrement différente. Et bien sûr, c'est la question des normatifs. Et je pense qu'on peut peut-être distinguer la question du normatif de la question de... du caractère pratique, c'est-à-dire d'un éventuel caractère applicable, quelque chose qui vient directement tenter de modifier ce qui existe. Ce qui n'est pas tout non, à fait pareil, la même chose que normatif. Non, la citation que tu donnais tout à l'heure de Durkheim, si je ne me trompe pas, il dit que ça ne vaudrait pas une heure de peine parce que il y a comment dire, si cela n'avait qu'un intérêt spéculatif. Je crois que c'est intérêt spéculatif qu'il utilise. C'est pas le côté intérêt normatif. Et spéculatif veut bien dire en fait qu'il n'y a pas en tant que tel de mise en pratique d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça reste à l'intérieur d'une certaine forme d'histoire. On gardera les citations et d'autres. Dans celle-là, en tout cas, je crois que c'est intérêt spéculatif. Donc, il y a cette phrase, mais je n'ai aucune idée. Et je pense que dans spéculatif, il y a ce côté-là. C'est-à-dire que finalement, ça, à aucun moment, ça ne vient donner une certaine forme au social. À aucun moment, ça ne vient rebondir, ça ne vient intervenir sur ce qui existe. Or, si on prend le cas de Durkheim, certes, il y a une dimension normative, mais il y a une dimension pratique qui est très très nette. C'est-à-dire que tous ses écrits sur la pédagogie, sur éducation et morale, ils ont une visée qui est éminemment une visée pratique, qu'on pourrait par ailleurs, d'une certaine manière, même si ça n'est pas la même, rapprocher également de celle que pouvait avoir Bourdieu en termes pédagogiques, les différents rapports promis sur la question des relations entre sociologie, pédagogie, mode d'enseignement, etc. Je pense que c'est là aussi qu'il y a peut-être une articulation qui est possible à trouver entre une forme de philosophie qui certes ne renie absolument pas la question de la conceptualisation, la question du rapport au concept, mais qui sait très bien qu'il y a un réel d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il existe aussi un rapport à la réalité, non seulement par rapport à ce qui existe dans la réalité, mais aussi sur la manière dont on peut intervenir sur la réalité, et une sociologie qui d'une certaine façon ne serait pas non plus uniquement centrée sur des formes de description, mais qui serait aussi centrée sur des formes de, soit de prescription éventuellement, pourquoi pas, soit en tout cas sur des formes d'intervention, c'est-à-dire une forme d'épistémologie qui permet, via l'enseignement, via la pédagogie, de modifier aussi la manière dont les gens peuvent envisager ce qu'est le réel, ce qu'est leur mode d'existence, leur mode d'existence sociale. Je voudrais juste ajouter une chose à ce que à propos de ces quatre impératifs, je pense que c'est d'autant plus vrai que c'est vrai aussi du grand adversaire, c'est-à-dire du modèle économique. C'est-à-dire que dans le cadre du modèle économique, il y a à la fois cette norme du comportement rationnel, mais il y a aussi l'aboutissement, le couronnement normatif de l'efficacité au sens de Pareto, qui est aussi au cœur de la grande alternative, en quelque sorte. C'est tout. Sans compter ce que disaient des économistes, notamment Carlo Benetti ou d'autres, sur le côté totalement structurant des concepts économiques par la dimension normative. C'est-à-dire que l'équilibre général totalement normatif. S'il n'y avait pas le théorème qui associe équilibre général valracien et optimum de Pareto, la théorie d'équilibre général n'aurait pas eu tout l'écho qu'elle a pu avoir. Une question au fondateur. et aux anciens directeurs. C'est ça qu'il voulait dire. Pas du tout. Non, dans le sens positif du terme. Mais au sens sociologique. Voilà. Je voulais revenir sur le pôle du politique. Enfin, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous que cette focalisation d'un travail de collaboration entre sociologie et sciences sociales et philosophie autour du politique. On peut imaginer que 1000 autres thèmes ou quelques orientations auraient pu être mises en avant, l'économie ou je ne sais pas. Est-ce que ça avait un sens anti-économiciste à l'origine, très clairement, au-delà de la critique du modèle rationnel? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça fait quelque chose pour une théorie de la reconnaissance et une théorie du don qui ne sont pas centrées sur le politique? Au contraire, on descend vers la vie sociale, vers les échanges sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire de déplacer deux objets qui paraissent pointer l'épaisseur des interactions sociales en désignant le politique comme horizon? Enfin, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de focaliser sur le politique concrètement, en dehors des engagements normatifs ou des choses comme ça? Premièrement, je ne suis pas sûr qu'une théorie du don ça projette vers l'intérieur des rapports sociaux, vers des choses micro. Parce que pour moi, le don, c'est un opérateur proprement politique. C'est-à-dire que dans les sujets archaïques, c'est l'opérateur politique par excellence, l'opérateur de reconnaissance et de fabrication de la société dans son ensemble. Et donc, personnellement, je considère le politique comme une relation de don généralisée. Donc pour moi, c'est pas des choses différentes. Pas des choses différentes. Par ailleurs, je suis évidemment sensible au concept du politique, dans une tradition le forcienne, même si à mon avis, elle doit être problématisée. Et du coup, je suis très sensible à... Ça rejoint la question de la pratique, de l'articulation entre sciences sociales générales, théorie du politique, puisque si on dit que le moment instituant apparaissant d'une société, c'est le moment politique, que moi je fais équivalent au moment du don généralisé, ben, tout ça se tient, et bien évidemment, du coup, la théorie sociale est en relais avec toute la tradition de la philosophie politique. Moi, je voudrais mettre l'accent sur autre chose, mais peut-être plus conjoncturel, en fait. Je pense que dans les années 2000, en fait, au début des années 2000, il me semble qu'on est encore dans une conjoncture politique, de philosophie politique, pardon, où la présence très forte de Rawls est encore dominante. Enfin, on est sur la lancée de la redécouverte de théorie de la justice, on est en train de traduire les textes de Rawls. Etc. Donc on a cette idée, finalement, que c'est presque un paradigme un peu dominant, enfin, incontestablement, mais enfin, en tout cas, assez largement partagé, et que du coup, il a quand même réalisé une sorte d'OPA sur la philosophie politique, où il l'a absorbé, au fond, dans une théorie de la justice. On voit, dans la philosophie politique, beaucoup de gens travaillent dans ce modèle Rawlsien, essayer de l'aménager, de trouver des variantes, de faire le lien avec l'économie, avec le problème de l'imposition, avec le problème des transferts sociaux, etc. Donc, on est dans ce modèle où la justice, même si elle est contestée par des théories de la justice plurielle, etc., du type de Walzer, enfin, c'est largement, à mon avis, encore ce modèle. Donc, l'idée de travailler sur l'horizon du politique aussi, avec des sciences sociales, est un peu l'idée de contester ça, en fait. C'est-à-dire de remettre un peu les pendules à l'heure en philosophie politique en disant on ne peut pas se borner à absorber la politique dans une théorie de la justice et reconstruire à peu près la totalité des dispositifs institutionnels, voire des logiques sociales, en descendant avec deux principes de justice qui obéissent à des lois simplement d'économie explicative, où on va à peu près ramasser la totalité de la philosophie politique. Donc l'idée, c'était de dire il y a vraiment autre chose en philosophie politique, d'autres apports, et reconstruire des logiques sociales vraiment qui n'entrait pas dans ce modèle-là, c'était une manière de rappeler un peu qu'on ne pouvait pas absorber tout dans des problèmes de devoir de justice, que ça fonctionne pas. On était assez d'accord avec Alain, dès le départ, dans une espèce de critique rawlsienne, il y avait déjà le numéro du Mose qui mettait en scène déjà cette critique de Rawls, donc c'était une manière de tirer une sonnette d'alarme. Peut-être ce qui est commun implicitement à vos deux réponses, c'est ce qui a été oublié, c'est la valeur du conflit, aussi bien d'un point de vue mossien que du point de vue anti-rawlsien. C'est ça alors qui serait... C'est un peu ça aussi qui est bien sûr... Le sens de la centralité du politique, c'est le rôle du conflit, de la conflictualité. La remobilisation du conflit aussi. Tout à fait. Qu'on avait essayé de faire, souviens-toi Christian, à Besançon, quand on était ensemble à Besançon. Sur le GDR, conflit, confiance, bien sûr. Beaucoup mobilisé. C'est vrai. J'ajouterais, moi, peut-être tactiquement, que cette prise de parti anti-rawlsienne était aussi contemporaine de la comment dire, je vais dire, de la froideur désertique qui régnait par ailleurs. Je veux dire par là, tout ça, c'était quand même la suite, la fin de queue de comète de l'effondrement du marxisme. Comment arriver à penser sérieusement la philosophie politique dans toutes ses dimensions sans être contraint de penser rawlsien, si j'ose dire, ou libéral économiste, etc., et sans non plus s'enfermer dans la répétition de l'échec, etc. Il y avait quand même une tentative, enfin, venant de toi particulièrement, pour investir avec de nouveaux outils, certes déjà constitués avec Mauss, Durkheim, etc., la question fondamentale du politique, c'est-à-dire l'être ensemble, hein, et l'être ensemble avec des visées normatives de justice. Je pense que historiquement, puisque Stéphane évoquait l'historicité de la chose, au risque de choquer certaines consciences, je pense que ça a joué un rôle non seulement polémique, mais tactique de reconstitution d'une pensée politique forte, avec un présupposé métaphysique. Car certes, ça passe par poser le monde, métaphysique, anthropologique sur comment l'homme devient, ensemble. Et conflictuellement, mais aussi dans la confiance. Et comment repenser positivement toutes ces dimensions dans le contexte des années 2000, quoi. Est-ce que j'ai une manerie plus récente? Je n'ai pas remarqué. Non, il y a des questions. Allez-y. Hein, Bernard, une petite intervention. En fait, souligner un coup. Chacun, ce que vous avez parlé tout à l'heure, nous, entre les jeunes chercheurs, on a toujours le même souci que vous défendez. Moi, ça me rassure de parler cette dimension normative de la sociologie en plus de la dimension descriptive et explicative dans l'interprétation. Pour moi, c'est indispensable, je suis d'accord, et quand je reçois des critiques envers de mon travail, comme il y a une dimension normative, moi aussi je fais une référence à Durkheim. Sauf qu'aujourd'hui, sur le scène académique, la méthodologie, individualisme méthodologique, reste toujours plus scientifique que les travaux qui assument une dimension normative. Donc en tant que jeune chercheur, je pense que c'est pareil pour vous. En sociologie, nous avons toujours ce poids, ce risque d'avoir un travail qui est accepté moins scientifique. C'est les choses que vous avez parlé. Ça reste toujours pareil. Ça montre en fait que ce paradigme de l'individualisme méthodologique, effectivement, ce que disait Alain, d'ailleurs, c'est un paradigme qui se généralise, hein, qui s'est en partie en sciences politiques, en anthropologie, en ethnologie, enfin bon, c'est... Mais je pense qu'on ne doit pas croire pour autant que c'est un paradigme scientifique au sens propre du terme, et surtout qu'il est dépourvu, d'arrière-plan normatif, en fait. Il y a beaucoup d'arrière-plan normatif. On s'en sert dans des tas de contextes avec valeurs normatives. Enfin, si on lit par exemple les derniers travaux d'Elster, par exemple sur l'altruisme, sur le désintéressement. Là, c'est un réinvestissement de la notion d'individualisme méthodologique, mais avec des fins qui sont des fins normatives. Donc, on ne peut pas faire une ligne de séparation dans laquelle il y aurait d'un côté les théories et les sociologies, et de l'autre côté l'individualisme qui serait scientifique en fait par excellence, même en économie, quand on fait des économies politiques, il y a une dimension normative. Et si on la fait même à partir d'un individualisme méthodologique, la dimension normative existe aussi. Donc, ils ne sont pas complètement dépourvus de l'autre côté, disons, d'aspects normatifs sous-jacents qui travaillent la théorie aussi. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord, sauf que à partir du moment que nous, on s'assume une posture normative ou une dimension normative dans le travail, on est classé directement dans l'approche holiste. Après, voilà, c'est le succès de Boudon qui a réussi à faire cette séparation. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça reste assez concret en même temps. Après, ce qui est compliqué, il faudrait vraiment discuter au cas par cas sur le type de travail, etc. C'est comment on situe ce moment normatif. Puisque, dans l'idéal, à mon avis, une œuvre de sciences sociales totalement réussie, mais c'est impossible, l'idéal régulateur, respecte aussi bien chacun des quatre impératifs. qui sont à certains égards incommensurables, ils ne se déduisent pas les uns de l'autre. Donc à la fois descriptif, explicatif, compréhensif, normatif. Bien évidemment, si vous faites un travail où il n'y a que de la normativité, s'il s'agissait uniquement de dénoncer des opinions, moi je pense que, évidemment, c'est pas séparé. Ouais. Je ne dis pas du tout c'est ce que vous faites. Mais ce que je veux dire, c'est que ce primat, qui à mon avis est évident, du moment normatif, dans la structuration des recherches, fait, scientifiquement fécond dans sciences sociales, il est à chaque fois différent. Il est à chaque fois fait de manière différente, que ce soit par Marx, par Weber, par Durkheim, par Lévi-Strauss, etc. Donc il n'y a pas de recette miracle pour placer le moment normatif, en quelque sorte. Voilà. Et donc je suppose qu'il y a un jeu habile, qui n'est pas nécessairement stratège ou instrumental, mais il y a des moyens habiles à mettre en œuvre pour réussir à assumer une position normative tout en respectant les impératifs d'empiricité, de cohérence conceptuelle, etc. Bon, c'est ça. On voit par ailleurs aujourd'hui, enfin vraiment dans la théorie sociale très contemporaine, notamment sur les questions de globalisation, de formalisation, de discours contre-hégémonique, on voit très bien comment justement c'est la normativité même qui devient une certaine forme de manière de combattre les théories des autres. C'est-à-dire que toute la question, par exemple, chez Chakrabarti de la provincialisation de l'Europe, c'est une manière aussi de venir soit dénoncer, soit décrire d'une certaine manière, et là c'est là que ça devient compliqué, la question justement des soubassements normatifs d'une grande partie de ce qui a pu être le développement de la science occidentale, qui en fait s'est fondée sur des formes d'orientalisme qui venaient littéralement opposer l'Est et l'Ouest, l'Occident, l'Orient, etc. Et donc ils viennent assumer par ailleurs eux-mêmes une certaine forme de normativité en disant ben non, il y a une forme de normativité à décrire la manière dont cela s'est passé, parce que dès l'instant que l'on décrit la façon dont historiquement, encore une fois, cela s'est passé, eh bien on vient en quelque sorte remettre un petit peu les compteurs à zéro, ce qui offre la possibilité d'un certain nombre de discours contre-hégémoniques permettant par exemple de régionaliser l'existence d'une science sociale asiatique qui devient du coup non plus normative en tant que telle, mais qui devient l'exact équivalent de ce qu'a pu être une science sociale occidentale qui s'était proclamée universelle pendant un siècle et demi. Donc l'enjeu même de ces discussions très très contemporaines chez Chakrabarti, chez Appadurai, chez des gens comme Michael Kuhn également, on voit très bien que c'est l'idée même et l'enjeu même de normativité qui est en quelque sorte l'enjeu de théorisation ou d'explicitation de ce qu'a pu être l'histoire de la science au cours des deux ou trois derniers siècles. Donc ça redevient d'une certaine façon un enjeu extraordinairement fort. La dénonciation par exemple par Rajiv Bhargava de l'injustice épistémique est tout à fait au cœur de cela. C'est la description de la mise en place de l'injustice épistémique qui est une certaine manière de réagir contre l'injustice épistémique. Donc c'est au contraire redevenu à mon avis complètement au cœur d'un certain nombre de débats. Alors on est parfois un peu éloigné de ça en France, mais sinon dans les débats plus, on va dire, plus internationaux, c'est très très présent.